Alors bonsoir à tous, merci d'être aussi nombreux. Là, c'est vrai que c'est la première soirée du jeudi qu'on consacre au sein du Laboratoire des Territoires à une rencontre. Donc autour d'une de nos équipes accueillies en résidence l'année dernière. Donc moi je suis Elisabeth de Territoires Pionniers et je suis heureuse de vous accueillir pour animer tous ces débats et enrichir aussi les travaux qui se sont déroulés aujourd'hui au sein de la journée du Réal, donc le réseau de recherche Habitat-Logement qui s'est réuni aujourd'hui et qui continue ses travaux demain sur le terrain. Donc c'est Lionel Rouget qui est à côté de moi là, qui va animer tout ça et puis voilà qui va essayer après cette journée dense et une courte pause quand même. Voilà, donc on a autour de cette petite table, on a donc l'archi Violette et Hortense Soichet, donc Marie-Pierre Bernard architecte et Hortense Soichet photographe, qui vont parler de leurs projets et d'agence et artistique et de leur collaboration. En face de moi, Gang, avec Jérémy Dru, qui est photographe et architecte, et Antoine Séguin, qui est lui aussi architecte et photographe, et qui sont venus en résidence à Hermanville-sur-Mer l'année dernière avec Territoire Pionnier. Je continue avec Camille Michel, bon, qui est intervenue cet après-midi dans le cadre de la journée du Réal, mais qui est aussi photographe, architecte, artiste, peut-être plus que photographe, artiste, voilà, bon, qui est architecte, voilà, mais qui a une activité complémentaire, polymorphe, en lien avec les espaces périurbains. Donc, cette rencontre s'appelle... pour terme expérience périurbaine, l'idée étant de se focaliser un peu sur ces types d'espaces et de voir aussi comment, très concrètement, des expériences y ont été menées et ce qu'elles ouvrent comme pistes d'exploration, d'investigation, de réinvention, de réaffection aussi. Et donc, avec, vous l'avez compris, avec nos invités aussi, par une approche sensible et une approche aussi décalée qui amène à changer nos représentations sur ces espaces périurbains. Voilà, je n'en dis pas plus, je te passe la parole, Lionel. Merci Elisabeth, bonsoir à tous. Alors effectivement, oui, ça s'inscrit donc dans la journée du Réal, en fait, au sein d'un atelier qui s'appelle l'atelier trajectoire des espaces périurbains et qui est animé avec des collègues qui sont dans la salle, donc Claire Arago derrière moi, Séverine Bonin et Laurent Cailly, que vous avez le droit, enfin voilà, je suis juste là le représentant, mais je... Voilà, vous avez le droit de prendre la parole. Le séminaire d'aujourd'hui, en fait, était sur éprouver et vivre les espaces périurbains. Et il y avait bien cette idée, effectivement, de sortir aussi d'une lecture des espaces périurbains, simplement dans leur approche morphologique. Avec parfois même le stigmate, c'est la discussion revenait un petit peu médiatique autour de la France moche, enfin, cette idée effectivement qu'on serait sur des espaces moindres, de moindre qualité, de moindre sociabilité, de moindre citoyenneté, voilà. Et d'une certaine manière, c'est au-delà effectivement d'une plastique en fait, parfois effectivement un peu marchande, un peu promotionnelle, issue des débuts du processus de périurbanisation, on va essayer aussi d'interroger aujourd'hui la manière dont ces espaces se transforment parce que ils sont vécus, ils sont éprouvés, ils sont appropriés et parce qu'ils sont vécus, éprouvés, appropriés, ils sont petit à petit transformés, ils mutent d'une certaine manière, même si parfois on les perçoit pas parce qu'on a tendance un peu à les regarder vite fait en avion et ce qu'on voit c'est ces tablettes de chocolat pavillonnaires, c'est cette artificialisation des sols, c'est cette ben voilà, bon, je peux reprendre tout ça sur là, il n'empêche que c'est aujourd'hui une grande majorité des espaces urbain, c'est une grande partie des espaces ruraux en cours de transformation et que passer peut-être le premier temps du vernis promotionnel, de la promotion immobilière, il s'y passe autre chose et voilà, on va essayer aussi de questionner en tout cas à la fois les regards et puis les manières aussi de les transformer. Alors pour commencer peut-être aussi je vais laisser une présentation de chacun de vous et puis également de la démarche dans laquelle vous avez été embarqué, j'aurais tendance à dire, et d'une certaine manière aussi, peut-être en deuxième question, qu'est-ce que vous retirez de ces expériences-là, en fait, qu'elles soient pavillonnaires ou périurbaines au sens large, et comment ça vient un petit peu questionner à la fois votre propre pratique professionnelle, mais peut-être aussi votre propre identité personnelle. Voilà, donc je passe peut-être dans un premier temps la parole à Jérémy et Antoine. J'ai bien saisi le regard de Marie-Pierre. Donc du coup, Antoine, regardez-moi. Oui, oui, oui. Eh ben, merci pour la patate chaude. Bonsoir à tout le monde. Du coup, moi, c'est Antoine Séguin de Gang. Du coup, nous, on a... Le thème d'expérience périurbaine et d'expérience au sens large, pour nous, c'est vraiment la base d'une façon d'être, en fait. C'est que déjà, cette expérience à Hermonville, on l'a éprouvée dès en arrivant de Paris en train et après faire 20 km de vélo pour aller à Hermonville. Et en fait, ça, du coup, pour nous, c'est vraiment ce qui forme vraiment notre regard, en fait. C'est justement de l'expérimenter, en fait. Et la résidence à Hermonville, elle s'inscrit totalement là-dedans, être plongé, immergé vraiment dans un territoire, sans vraiment savoir vers où on va aller in fine, mais du coup, c'est vraiment expérimenter et y aller à vélo, avec le vent, et du coup, dans ces territoires, avec la pluie et le soleil, une fois, tous les quarts d'heure, ça change. Et du coup, c'est de traverser ces territoires, qu'ils soient autant ruraux, très paysagers, ou justement périurbains, où justement on ne sait plus trop où on est, mais en même temps on est à peu près partout, je pense. Donc ça, c'est pour l'expérience. Je sais pas si tu veux rajouter. Bonsoir, moi c'est Jérémy. Je pense que par rapport à la résidence qui a intéressé Territoire Pionnier, la raison pour laquelle on a été retenu, donc c'était notre intérêt aussi pour les lotissements dans le périurbain. Donc c'est une morphologie qui nous a donc beaucoup intéressé parce qu'elle est beaucoup décriée. Ça fait partie de ces formes urbaines. Qui font partie des franges de la ville et donc qui sont un peu décriées par ceux qui habitent dans les centres-villes. Et donc nous, ce qui nous a intéressé, c'est l'idée de l'identité et du patrimoine. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec... quel est le devenir des lotissements? Quel est l'état actuel de ces quartiers? Et donc ce qu'on a essayé de faire pendant toute cette résidence, c'est de mettre en avant la qualité de vie qui émergeait dans ces quartiers, de travailler avec les habitants, de les sensibiliser au paysage qui les entourait et leur faire prendre conscience des qualités du territoire qu'ils habitaient. Du coup, on a passé... une bonne partie de la résidence à éprouver le territoire et essayer d'entraîner les habitants à redécouvrir leur ville par la marche. Parce que du coup, notre démarche était aussi... on s'est placé à une échelle humaine. On a essayé de se déconnecter des voies voitures, de toute la circulation, tout l'aménagement du territoire qui est pour la voiture, qui caractérise le périurbain. Et on essayait de réintroduire la marche qui est, au fil des années, qui est pratiquée surtout par les enfants. C'est les jeunes populations dans le périurbain ceux qui n'ont pas accès à la voiture, en fait, qui pratiquent les espaces, qui connaissent les petits chemins, qui vont se perdre dans les champs. Et nous, on a essayé, dans cette résidence, de remettre ça en avant. Et il me semble qu'on a réussi. Comment c'est fait ce retour à l'échelle du piéton dans des morphologies qui pendant longtemps, en tout cas, ont été... Comment se fait ce retour à l'échelle du piéton dans des morphologies qui, au premier abord, effectivement, semblent être pensées d'abord et avant tout pour la circulation automobile. Et en parallèle aussi, l'entrée aussi, c'était la question des lisières. Comment ça s'articule, cette question de la lisière avec l'échelle du piéton. Enfin, voilà, je pense qu'il y a là aussi quelque chose de l'ordre d'un dialogue, d'une réinterprétation d'un dialogue qui a peut-être disparu. Enfin, voilà. Tout à fait. Ben, en fait, on a, nous, dans notre pratique, donc, comme disait Antoine, dans notre pratique, on cherche à éprouver le territoire qu'on étudie. Donc en vélo, enfin à travers des mobilités douces, donc le vélo ou la marche. Donc on a passé donc sur les 6 semaines de résidence, on a passé bien 2 ou 3 semaines à déambuler, à comprendre le territoire dans lequel on était invité à travailler. Donc on l'a parcouru, on l'a photographié, puisque du coup on est photographe. Donc on l'a photographié pour essayer de mettre en avant une autre image des lotissements et du périurbain. C'était pas que sur les lotissements non plus, mais comme ça constitue quand même plus de la moitié de la ville, c'était quand même très important. Et au fur et à mesure qu'on produisait des images, on allait à la rencontre aussi des habitants, on leur montrait ces images, on leur montrait du coup qu'on était en train de dresser une autre image de leur ville. Et je pense que ça a aussi permis de les tirer pour les amener à revisiter dans cette expérience. Tu veux rajouter quelque chose? Et du coup, dans la pratique, après, c'était vraiment, vu qu'on était constamment en fait, dans ce territoire, à l'explorer vraiment dans tous les sens, en fait, on a un peu créé une nouvelle cartographie de ce territoire, donc en traversant les lotissements. Donc typiquement, on a les voies de desserte pour la machine, où les gens roulent un peu plus doucement. Et à côté, on a les grandes voies où les gens roulent à 70 au lieu de 50. On connaît tous. Et du coup, à travers ça, dans cet aménagement du paysage, donc il y a vraiment tous les lotissements qui ont été construits zone urbaine après zone urbaine et qui se prolifèrent sur le territoire et qui continuent encore d'être construits. Typiquement, Hermanville, il y a un nouveau lotissement en construction. Et du coup, justement, nous, on a réussi à mettre en valeur toutes ces venelles urbaines qui existent. En fait, il y a des venelles piétonnes qui existent dans les règlements, qui sont imposées pour relier un lotissement à l'autre. Et nous, on les a mis en valeur, jusqu'à créer en fait la promenade terre-mer, donc qui part vraiment de la terre, donc des champs, il y a des photos dans le petit portfolio, jusqu'à la façade sur la mer. Et en fait, on a érelié le centre-bourg d'Hermanville, qui se situe à un bon kilomètre et demi du front de mer, et cette frange qui s'appelle la Brèche, qui est des maisons, des très belles maisons en front de mer. Et du coup, il y avait toujours eu un peu cette rivalité, que les lotissements ont relié urbainement, mais il reste encore vraiment ces deux rapports entre le nord et le sud. Et du coup, nous, notre promenade terre-mer, on a invité les gens, en fait, on l'a mise en place, donc on a vraiment étudié quel parcours serait le plus intelligent, et en fait, on a réussi à faire, il y a 3 km, je crois, de balade, qu'on a fléché, on a agrémenté avec des panneaux qu'on a construits, avec des photos, justement, des textes. Et du coup, à l'inauguration de cette balade, on était 70 à se balader dans Hermanville avec les habitants, les élus qui redécouvrent leur commune à des endroits où ils ne sont jamais allés. Au final, comme on a dit tout à l'heure, il n'y a que les enfants qui étaient « Ah, mais si j'en connais !» On passe par là pour aller à l'arrêt de bus. Mais les adultes sont en fait déconnectés vraiment de là où ils vivent, quoi. Et du coup, cette promenade, elle est restée après notre départ. Nous aussi, c'était une volonté de ne pas être juste anecdotique, rester 6 semaines et partir. Et du coup, on a réussi à laisser ça, qui est resté jusqu'à décembre, je crois. Et on a même eu des retours d'habitants, justement, qui sont repris dans ce petit A4, où il y a un habitant qui dit qu'il ramène carrément sa famille de Paris. Bah, il vient faire la balade avec eux pour montrer qu'on peut aussi se déplacer d'une autre manière dans le lotissement. Enfin ouais, c'était cette notion de patrimoine qui est, comme on a discuté aussi avec Camille, c'est là on est héritier, notre génération est héritière d'un aménagement du territoire, qui est fonctionnel, qui a ses qualités, ses défauts, et nous on arrive là-dedans et on a un autre regard quand on essaye de la France moche, c'est bon, on connaît, c'est bon, on a déjà lu. Et on a envie d'autre chose, en fait. Et même, on avait envie de valoriser un peu tout le monde. Enfin, un peu comme les photos d'Hortense Fauché, c'est valoriser des personnages. Enfin, c'est pas que du bâti, c'est pas que de l'urbain. C'est vraiment, il y a aussi des gens qui y habitent. Et du coup, ouais, c'est... Ouais. C'est pas des gens qui ne sont rien, ouais, on peut le dire. Et du coup, ouais, c'est un peu... notre volonté, ouais, c'est de redonner une image positive, mais sans cautionner les défauts. Enfin, c'est vraiment. Ouais, voilà. Ça. Et juste pour revenir sur la promenade Terre-Mer, l'idée de cet axe, c'était aussi du coup de reconnecter tous les quartiers entre eux à travers un parcours entièrement piéton. Donc de remettre de l'humain dans la ville qui est découpée du coup par les axes voitures qui représentent des vraies limites, des vraies frontières dans la ville, et du coup aussi de remettre de fédérer tous les quartiers en fait qu'il y a autour de cet axe, c'est-à-dire que Hermanville, donc comme disait Antoine, c'est aujourd'hui, enfin historiquement c'est un bourg agricole qui aujourd'hui est connu entre guillemets pour ces villas en front de mer, son architecture de prestige. Et nous, en mettant en place cette promenade, on voulait aussi redonner une importance au lotissement, les rehisser, leur donner autant d'importance que ces quartiers qui ont une histoire, qui ont une reconnaissance, et du coup transformer ce caractère de quartier d'anti-voyage, leur redonner une caractéristique, un rôle, une place dans le reste de la commune. Ça faisait partie de notre volonté aussi. C'était quoi la question à la base? C'était pas mal déjà, en fait. Voilà. Du coup, changer les spatialités d'une certaine manière, enfin, en tout cas, modifier les échelles de spatialité du quotidien, et par ça, effectivement, changer d'une certaine manière aussi son regard, voilà, sur cet espace du quotidien, et quelque part aussi changer un peu l'identité, en fait, du lieu et l'identité de soi à ce lieu. Marie-Pierre, quelque part, alors on est sur un autre registre, on est sur une autre échelle, mais est-ce que d'une certaine manière, le travail de la maison ne fait pas pavillon, en fait, et venir quelque part réinterroger la pavillonarité, même si c'est peut-être, voilà, si y a cette idée de ne pas faire pavillon, et en même temps, votre proposition, c'est aussi de venir réinterroger cette question du modèle pavillonnaire et de le replacer à l'aune plutôt de la question de l'habité individuel et de faire dialoguer autrement probablement ces autres pavillons, ces maisons autour de ces pavillons. Enfin voilà, je peut-être revenir un petit peu sur ta démarche et puis du coup après passer la main à Hortense, ou la parole pardon à Hortense. Oui, donc nous, l'Archiviolette, c'est une agence d'architecture dont moi, Marie-Pierre Bernard, je fais partie, avec Élise Lambert, mon associée. Et on travaille dans l'habitat individuel depuis bientôt 12 ans. Et donc l'exposition que vous avez vue, c'est un témoignage qu'on a, voilà, qui est à la BMVR actuellement. Et qui donc fait partie de Chantier Commun. C'est un témoignage de notre travail depuis 12 ans, parce que c'est un certain militantisme en tant qu'architecte de travailler dans l'habitat individuel, dans le périurbain et dans l'habitat individuel de toutes sortes, en fait, y compris de faire de la rénovation, des extensions, etc. Donc l'exposition n'est pas forcément vraiment emblématique de notre travail, parce qu'on a fait beaucoup de maisons individuelles avant qui ne sont pas photographiées là. Et là, par exemple, on n'a pas, je réfléchissais, il n'y a pas de maison en lotissement dans l'exposition. Mais par contre, il y a beaucoup de rénovations qui sont nées de projets qui existent dans des anciens lotissements, comme à Venois, par exemple. Donc de l'habitat des années 50, ou le quartier des Fleurs à Caen, qui est un quartier avec un habitat qui... On ne peut pas vraiment parler de lotissement, mais de la construction des années 30, avec des petites rues, voilà, donc ça se rapproche. Mais il y a toute l'histoire qui est passée depuis, qui fait que ça, les gens ne perçoivent plus ça comme un lotissement et comme du périurbain. Mais voilà, c'est l'histoire qui a fait ça, mais en fait, la pratique, notre pratique à nous, c'est la même. Voilà. Donc oui, et l'exposition, en fait, elle est née de ce qui reliait au sujet d'aujourd'hui, c'est qu'on voulait montrer l'architecture autrement. En fait, on a fêté nos 10 ans, les 10 ans de l'Archiviolette, et on souhaitait changer notre site internet et faire travailler avec un photographe ou une photographe. Et il se trouve que grâce à Lionel, on a rencontré Hortense. Et en fait, on voulait vraiment photographier l'intérieur des maisons, parce qu'en architecture, D'abord, c'est difficile de photographier l'intérieur. Et puis en architecture, on a toujours des images très épurées, de la forme extérieure en particulier, de l'environnement. Et nous, on a plein de projets qui ne sont pas faciles à photographier parce que justement, ils sont en plein milieu du pavillonnaire. Et tout de suite, ça devient un espèce de témoignage social et pas du tout esthétique, en fait. Et ça, voilà, donc on a réfléchi avec Hortense. Et puis on a proposé à des habitants de nos projets de participer à un projet pour fêter nos 10 ans. En préachetant en fait des tirages et en acceptant de se faire photographier par Hortense. Et puis bon, après l'idée du diptyque est née en travaillant ensemble. Et voilà. Donc on a finalement eu quand même 25 projets photographiés. Donc on est vraiment vraiment contente. Et il nous semble que ça témoigne bien. Alors c'est vrai que c'est un petit peu en décalage par rapport au sujet d'aujourd'hui. Mais on trouve des liens, le travail d'Hortense, je vais passer la parole à Hortense qui va préciser tout ça. Okay. Lourde responsabilité, merci. Voilà. Pour revenir aux liens, moi j'avais fait un travail dans les années 2011, et c'est à cette occasion d'ailleurs qu'on s'est rencontrés, sur le périurbain en région en Haute-Garonne, autour de... des deux sous-préfectures et d'un petit village, donc où j'avais rencontré une soixantaine d'habitants et photographié des domiciles, ce qui m'avait beaucoup intéressée. Et donc lorsqu'on s'est rencontré avec Marie-Pierre et Elise et qu'on a conçu ce projet, moi ce qui m'a tout de suite intéressée, c'était de faire un pas de côté, évidemment, par rapport à la photographie d'architecture que je ne sais pas faire parce que je travaille plutôt sur les usages que sur une photographie de communication destiné à ce genre d'usage. Et pour revenir à la question d'aujourd'hui, ce qui était intéressant, c'était en termes d'expérience personnelle, ça a été d'aller à la rencontre de ces maisons et de devoir chercher aussi, donc une adresse m'était indiquée par rapport aux habitants qui s'étaient portés volontaires, et de devoir, lorsque ces maisons étaient localisées en dehors de Caen, chercher de quelle maison il s'agissait. Et là, évidemment, même de loin, la maison Archiviolette est très bien identifiée dans le paysage périurbain, parce qu'évidemment, elle n'est pas similaire aux autres maisons qu'on peut voir. Et il y en a une en secteur pavillonnaire. Pas d'ouvre, bord de mer, grise, assez grise, avec l'escalier assez moderne. Mais c'est en plein cœur de Douvres, justement, c'est au milieu de... Mais c'est en... C'est pas dans un lotissement. C'est entouré de murs, monsieur et madame Denis. Non. Ah oui, si, bien sûr, oui, à Grès-sur-Mer. À Grès-sur-Mer, il y en a deux à Grès-sur-Mer, et il y en a une effectivement qui est en plus au milieu du lotissement et qui est en bac acier et en bois. Donc effectivement, je pense qu'elle détonne pas mal. Oui. Et pour le coup, l'adresse, comme c'est souvent le cas, est impossible à trouver avec un GPS. Moi, je connais pas du tout la région, donc j'ai cherché un moment et je l'ai reconnue de loin parce qu'elle ne ressemble absolument pas aux logements qui sont autour. Mais voilà, quoi dire de plus Du coup, ça résonne aussi avec le travail de famille. Ça fait écho aussi à cette idée de cette question de l'identité du lieu et donc de l'identité. C'est la question du chez-soi, en fait. D'une certaine manière, comment effectivement, dans la rencontre avec les habitants, comment se fait ce chez-soi, en fait, dans des univers où autour de soi c'est plus conformiste. Comment ça vient questionner, en tout cas, le différent et en même temps le pareil aux autres, en fait. Ben, en fait, en particulier pour la maison de Grès-sur-Mer, il y a beaucoup de gens qui trouvent un terrain dans un lotissement qui font marche arrière, qui disent ben, on ne veut pas faire ça. Mais là, en l'occurrence, celui de Grès-sur-Mer, c'est des gens qui ont choisi de travailler dans ce lotissement-là. Je parle de la maison cubique hein, grise. Et pour eux, la forme architecturale, l'esthétique, c'est pour ça qu'ils sont venus nous voir, alors que c'est assez rare dans notre pratique. Les gens viennent plutôt pour faire des maisons d'écolo, quoi, et pas tellement des maisons formellement d'architectes. Et eux, c'était vraiment ça. Et du coup, ils ont une identité, je pense, très forte dans le lotissement, mais ils ne sont pas tellement en lien avec les autres habitants. Enfin, j'en sais rien, mais c'est très, très léché, très travaillé. Il y a la question du vis-à-vis qui interroge. On est chez soi, on soigne son chez-soi, mais qu'est-ce qu'on voit depuis chez soi ? Parce que ça, c'est quand même ça qui compte aussi. C'est quand on est chez soi, c'est ce qu'on perçoit et qui fait partie de notre environnement. Donc ça interroge aussi des habitants qui se retrouvent finalement dans un environnement qui est parfois subi. Alors ils ont fait le choix et ils ont, eu l'opportunité de construire la maison qu'ils voulaient, mais l'environnement qui se trouve autour, ben, qu'est-ce qu'ils en font et comment on peut jouer sur le rapport intérieur-extérieur. Est-ce que ça fait lieu au bout d'un moment ? Est-ce qu'au bout d'un moment, il y a du voisinage qui se conduit ou est-ce qu'une espèce de rupture qui se maintient ? Ça dépend des cas. Tu n'es pas entretenu avec une partie des ménages ? Ah si, bien sûr, j'ai fait, avant de faire chaque prise de vue, j'ai fait des entretiens que je n'ai pas exploité en tant que matériaux, mais qui était nécessaire. Moi, je ne sais pas arriver quelque part et faire directement des photos. J'ai besoin de dialoguer avec les gens. Et c'est toujours l'histoire d'un choix ou de la nécessité d'aller habiter quelque part. Et puis après, qu'est-ce qui se passe avec la maison ? Comment elle évolue ? Oui, pour certains, il y a la dimension sociale aussi qui compte. Qui sont nos voisins ? Comment on va se construire une vie sociale autour de ça, et puis la question évidemment du vis-à-vis, du rapport du chez-soi à chez l'autre, qui est évidemment incontournable, surtout dans ce genre d'environnement. Mais il y a aussi des personnes qui font abstraction de ça, qui sont chez soi et qui perçoivent pas quelque chose qui pour moi est évident, un vis-à-vis, pour eux, bon, c'est pas trop un problème. Camille, si je peux me permettre, en fait, les parties de l'assistance n'ont pas assisté à ta présentation tout à l'heure, mais dans le propos, tu parlais d'un moi périurbain, en fait, d'une certaine manière, sur une maison là plutôt standard, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur le travail que tu as présenté tout à l'heure, et puis de comment ça fait écho peut-être à ce que viennent de dire Jérémy, Antoine, ou les photos d'Hortense aussi. Oui, alors. Donc, rapidement, je suis architecte et j'ai une pratique plutôt artistique, hétérogène, on va dire. Je ne suis ni photographe, ni... je fabrique plein d'objets en lien avec le quartier dans lequel j'ai grandi, au nord de Tours. Le lien que je peux faire avec ce que je vois de ce qu'a produit Gang ou des photos, c'est le... En fait, c'est l'acceptation de l'hétérogénéité comme idée. Et ça, c'est quelque chose qui fait partie du rejet dont on parlait tout à l'heure, du rejet de la centralité par rapport à la périphérie. C'est que j'ai l'impression que dans les espaces périurbains en général, enfin en tout cas moi, ceux que je connais ou mon ancien quartier, l'hétérogénéité n'était pas une question. C'était comme ça, voilà, que quand j'allais voir la télé chez mes copains, parce que j'avais pas la télé, c'était toujours quelque chose de très riche, enfin, et que je peux retrouver un peu dans les photos que je viens de voir, et qui finalement ne pose pas de problème. Et en tant qu'architecte, c'est un peu paradoxal de dire ça, parce que quand on est architecte, ça pose un problème, l'hétérogénéité, parce qu'en fait, on nous a appris que c'était pas bien, enfin que il y avait que culturellement c'était mal, quoi, que c'était quelque chose d'un peu sale, qu'il fallait faire le ménage et qu'il fallait faire un choix. Et moi c'est ça que je j'aime beaucoup aussi dans ces endroits là, c'est que a priori on a l'impression que c'est toujours les mêmes maisons, alors qu'en réalité pas du tout. C'est C'est tout le monde met des volets différents, tout le monde fait chez lui ce qu'il veut, et puis tout le monde va mettre des aigles sur ses poteaux d'entrée. Enfin voilà. Et enfin moi je trouve ça assez génial, cette sorte de liberté assumée quoi. Ouais. En fait c'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement il y a une quand on travaille sur la représentation du périurbain, effectivement, on part du principe qu'on va travailler sur un lotissement dans lequel toutes les maisons sont les mêmes, et où on va trouver dans tous les jardins, ce qu'on voyait tout à l'heure, justement, les panneaux de basket, Kipsta, qu'on va voir partout, les mêmes skateboards, tout ça. Et en fait, quand on commence à creuser, quand on commence à vraiment travailler sur l'identité de ces lieux-là, et bien c'est là où on va commencer à retrouver l'hétérogénéité, où on va... Même en fait, on peut même rentrer dans la psychologie des gens, parce qu'on se rend compte que en fait, tout ce qui compose le paysage, c'est-à-dire les jardinets, tout ce qui est de la représentation, ça vient des mêmes magasins, quasiment. Et en fait, on se retrouve à... devant une porte où on voit qu'un tel a mis un aigle, et en fait quelqu'un d'autre aura mis une autre sculpture, quelqu'un aura pas forcément mis quelque chose qu'il aura acheté dans un magasin, mais enfin, c'est vrai que ça c'est très intéressant de quand on creuse cet approfondissement, enfin, voilà, de trouver l'identité des gens dans ce paysage qui paraît homogène, enfin voilà, tout un jeu là-dedans, voilà. Pierre, comment tu te saisis de ça en fait en tant qu'architecte? Je pense que enfin, voilà, chaque maison est différente quoi en fait. Dans la conception, on passe quand même beaucoup de temps, on rentre dans l'intimité des gens au quotidien, c'est-à-dire que souvent ils viennent nous voir pour faire un projet qui est à de différentes échelles, et on apprend à se connaître et on passe beaucoup de temps et on rentre vraiment dans l'intimité des gens. Et on travaille réellement avec eux. C'est-à-dire que moi, j'apporte toute ma technique, tout ce qui est la base de la construction. Mais c'est des outils, des matériaux, de la bioclimatique, enfin des choses. C'est de la cuisine, quoi. Mais le gâteau, on le fait vraiment ensemble et on élabore. Et vraiment, on est dans l'intimité des gens et donc dans leur goût. Je ne sais pas, dans les photos, on voit, puis dans les petits textes, peut-être vous avez pris le temps de lire les textes, on sent vraiment le caractère des gens, leur lien entre eux, les gens qui prennent la décision de faire une salle de bain dans une pièce habitable, une grande salle de bain avec de la faïence rose, jaune. Les gens avec leurs chiens, on se noie un peu, nous, dans leur quotidien, et on essaye justement de sortir, enfin on les pousse à sortir des clichés habituels de ce qui est la qualité architecturale, et on s'amuse bien, enfin c'est plaisant de rentrer dans cette intimité-là jusqu'à ce que ça prenne une forme propre à chacun. Et justement c'est pas que dans l'achat de biens de consommation, de déco et de... On pousse vraiment les gens à aller au-delà de toutes ces formes-là. Donc la verrière Jean Atelier, il n'y en a qu'une sur nos projets. Pourtant, tous les gens qui arrivent à l'Archiviolette nous disent « C'est quand même une bonne idée, une verrière Jean Atelier. Comme ça, on voit de l'autre côté, mais en même temps, c'est fermé. Et voilà, mais on arrive à tenir bon et il n'y en a pas partout. » Du coup, Hortense, cette question de l'intimité, elle transparaît un peu dans les photos, en fait, et au-delà des photos, enfin, en tout cas, d'une intimité qu'il donne à voir, il y a celle qu'il donne à voir. Comment, effectivement, comment ça se passe quoi, quand tu discutes avec eux? Qu'est-ce qui fait que c'est sur l'escalier, c'est dans la cuisine, c'est, enfin, voilà. Et en soi, est-ce que, ton travail porte essentiellement là-dessus? Est-ce qu'il y a des différences avec l'habitat collectif? Est-ce que, est-ce qu'il y a là une spécificité pavillonnaire ou en fait non quoi? Pour ce qui est déjà de la préparation du travail, il y a eu un échange avec Élise et Marie-Pierre avant chaque prise de vue pour connaître, avoir des informations sur le projet. Et comme je le disais tout à l'heure, j'ai commencé chaque rencontre par un entretien avec les habitants d'environ une demi-heure, trois quarts d'heure à une heure, où je posais des questions sur le projet, comment eux l'ont vécu, d'où, pourquoi ils ont aménagé ici, etc. Et c'était à partir de ces informations-là que je guidais ma prise de vue. En général, je commençais par les photographies du logement. Et après, il y avait ce temps dédié au portrait de famille, pour lequel il y avait une discussion autour des choix des lieux. Moi, j'avais parfois des idées en tête qui étaient souvent des lieux que j'imaginais pouvoir mettre en parallèle avec les photographies des espaces que j'avais fait précédemment et que j'avais envie de retenir. Et puis, des propositions qu'ils émettaient, par exemple, typiquement la salle de bain. Moi, la salle de bain, elle m'a bien plu quand je l'ai photographiée, mais je ne sais pas si j'aurais eu l'idée ou si j'aurais osé leur proposer. Et je crois que c'est la fille qui a dit « Ah, ben, la salle de bain ». Et je dis « Oui, oui, la salle de bain, la salle de bain ». Elle me dit « Non, non, mais c'était une blague. Si, si, la salle de bain ». Et pour le coup, pour la plupart des habitants, on a fait des photos dans plusieurs endroits. Sauf certains, par exemple, quand il y a 6 enfants, on évite de se déplacer, c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, ce qui était intéressant, c'était justement de pouvoir... avoir, il me faisait aussi une visite guidée, une visite des lieux, donc j'avais ces informations complémentaires qui me permettaient de bien comprendre la manière dont ils investissaient ces espaces et qui me permettaient de décoder et de voir comment ils s'appropriaient, ils habitent l'espace depuis la livraison du projet. Parfois il y a des changements qui s'opèrent aussi. Et donc, pour répondre à ta question, alors moi, pour le coup, il y a un livre qui circule qui s'appelle Ensemble, qui est le fruit d'un travail de 3 ans dans plusieurs quartiers de logements sociaux, où j'ai photographié des logements dans des habitats collectifs, donc souvent des logements identiques, aménagés de manière très différente. Il y a évidemment des différences parce que là, les habitants sont partie prenante de leur projet, donc ils vont choisir, pour certains, à quoi va ressembler l'agencement des pièces. Mais dans les faits, il y a quand même l'importance accordée aux usages et à la manière dont la faculté que les habitants ont de faire avec les espaces, de les transformer, de les modifier, que ce soit des espaces imposés ou des espaces choisis, quelque part. Donc il y a une petite différence, mais finalement, on s'y retrouve. Je continue sur une question, mais derrière une partie de tes travaux, quand même, je pense à celui sur la Goutte d'Or, je pense aussi à celui sur Toulouse, on perçoit à travers ces extérieurs, et pourtant, ces intérieurs, et pourtant on est chez les habitants, on est à l'intérieur, on ne voit pas l'environnement, on perçoit pourtant, enfin en tout cas je perçois moi, des processus socio-spatiaux. Enfin, sur la Goutte d'Or, c'est flagrant. Enfin, je veux dire, on est à la fois sur un quartier très populaire et on voit des intérieurs très populaires. Et en même temps, en fait, parfois dans le même immeuble ou dans la même rue, on perçoit des intérieurs très bourgeois. Oui. Alors, bourgeois bohème, enfin, on les appelle les bobos. Enfin, une nouvelle bourgeoisie qui s'installe dans ces quartiers-là. Et puis parfois une bourgeoisie plus ancienne, plus installée. Enfin, voilà. Est-ce qu'ici à Toulouse, enfin, est-ce qu'à Caen, dans les travaux d'Archives Violettes, tu as pu percevoir aussi ces processus socio-spatiaux? Alors c'est très différent parce qu'en général je travaille sur un échantillon plus ou moins représentatif quand même de la population, et là c'est très orienté. J'ai eu affaire à des militants, ce sont des gens qui sont engagés, qui font le choix de travailler avec l'Archives Violettes, alors sauf quelques exceptions, parce qu'ils sont convaincus de leur proposition et que ça va améliorer leur quotidien. Donc ça, je pense pas que ça correspond à l'habitant lambda de Caen. Enfin, peut-être, j'aimerais bien. Ça dirait chouette. Quelque chose d'une forme d'amilitantisme, oui. En tout cas, le rapport à la transformation de la maison individuelle. Et pour le coup, c'est une entrée qui est très intéressante. Parce que ce qui est pour moi qui m'a surprise, c'est que j'ai eu affaire à des personnes qui... A priori, je pensais qu'elle n'allait jamais faire appel à une architecte, parce que pour des questions de coût. Et finalement, on voit aussi que des personnes avec des revenus plutôt pour certains modestes vont faire cet effort-là parce qu'ils considèrent que c'est important et qu'ils peuvent s'y retrouver en faisant des économies. Alors, saut dans le temps et saut dans l'espace, en fait, le cas toulousain, en fait, où du coup, quand on s'était rencontrés, tu venais travailler sur le rural, en fait, et tu avais commencé déjà ton travail, en fait, si je me souviens bien, et puis tu t'étais rendu compte qu'en travaillant sur le rural toulousain, en fait, tu étais confronté ah, du processus de périurbanisation, oui. Et c'est à ce moment-là qu'on avait commencé à se rencontrer. Du coup, quelle expérience périurbaine tu peux faire entre quelle lecture en tout cas tu peux faire de cette périurbanisation, des processus entre le contexte toulousain que t'as, qui t'a presque un petit peu frappé, quoi, je dirais, d'une certaine manière, alors que c'était pas ça que tu venais interroger au premier abord. Et puis là, une démarche à Caen où en fait, il n'y en a eu pas tant que ça, et en même temps, tu y as été confronté. Enfin, je ne sais pas si je suis claire dans ma question. Mais... Oui, mais je ne sais pas si on peut vraiment comparer, parce qu'il y a aussi eu Carcassonne, le travail avec le SPRM, le groupe de femmes gitanes, qui aussi peut être considéré comme du... Pour moi, il y a une diversité de formes de périurbanisation qui sont difficilement comparables entre l'agglomération toulousaine où, pour le coup, le bassin d'emploi toulousain est tellement important que ça draine une population jusqu'à Saint-Gaudens où j'ai fait mes photos. Et puis là, je sais pas, c'est pour moi, il y a des formes qui émergent avec des îlots et parfois des trajectoires. C'est très complexe d'avoir une vision d'ensemble et de pouvoir généraliser. En tout cas, j'ai pas cette faculté-là, mais plus, en tout cas, une rencontre avec des populations qui font des choix de vie. Sont plutôt pour une amélioration de leur cadre de vie en choisissant de s'éloigner un petit peu de la ville et du coup de pouvoir être dans cet entre-deux qui leur permet d'être pas trop loin de la ville tout en bénéficiant d'un cadre de vie qu'ils considèrent comme plus propice. Antoine, Jérémy, cet entre-deux, vous l'avez perçu, en fait, vous direz même ces entre-deux, puisque les discours qu'on a eus, on voit bien que chaque strate de lotissement, en fait, est en soi... une histoire sociale et puis une histoire d'un entre-deux. Et votre propos, c'était aussi de relier ces entres. Est-ce que peut-être vous pouvez revenir un peu là-dessus ? C'est pas évident. tout à l'heure, on parlait des intérieurs, justement, et je pense que nous aussi, ce qu'on a essayé de faire, c'est de faire sortir les gens de chez eux. Enfin, comme on voit sur cette photo, on a organisé un barbecue en faisant de la tractation... comme si on était des hommes politiques pour être élus. Enfin, du coup, les gens se disaient, mais qui sont ces architectes? Ils vont venir bétonner nos champs. Enfin, bon, c'était assez surréaliste. Et du coup, enfin, au-delà justement des intérieurs, il y a aussi notre façade publique, en fait, et tous ces liens qu'on a pu faire. On en reparlait tout à l'heure de cette démographie entre chaque quartier qui, du coup, ont leur temporalité. Même la déco extérieure, du coup, justement, avec les lions sur les poteaux de portail, ou justement aussi la végétation qui a vraiment poussé dans certains quartiers, qui donne, en fait, on peut dater les quartiers grâce à la hauteur des arbres. Enfin, c'est toutes ces petites choses, en fait, qui donnent justement leur identité. Un commun autre que celui effectivement habituel, enfin qui pouvait être ou la plage ou ne serait-ce que l'automobilité en fait. Enfin voilà, est-ce qu'il y a un autre commun qui a émergé? Est-ce que les systèmes de représentation, à la fois des habitants mais aussi des élus en fait, ont changé? Et du coup, est-ce que quelque part des systèmes d'action, je reprends toujours mon gimmick quoi en fait, mais est-ce que quelque part effectivement il y a ça percole, ça fait germer quelque chose? Et du coup, pareil, quoi, en fait, à Marie-Pierre, quoi. Est-ce que aussi une maison différente fait germer quelque chose ou pas, en fait, dans des environnements? Alors nous, notre travail, il a au niveau du donc en fait la promenade Terre-Mère qui traverse les lotissements. Comme disait Antoine, à la suite de notre résidence, on a eu vraiment des retours comme quoi les habitants trouvaient une pratique, des usages dans les lotissements. Donc pour ça, on peut dire que ça a changé un peu l'identité des lieux, puisque c'était qu'on se retrouve avec des lotissements. Donc comme disait Antoine, les populations vieillissantes, en fait, dès que les enfants sont partis de la maison, les rues deviennent désertes, les parents ne s'y retrouvent plus, ils arrêtent de faire des fêtes de voisins, ou c'est plutôt chez l'un ou chez l'autre, c'est plus dans les espaces communs. Donc nous, notre résidence et notamment donc les actions comme le barbecue à l'extérieur, mais aussi la promenade Terre-Mère a permis de donner des nouveaux usages à ces lieux et donc à les réactiver. Ensuite, moi, je voulais parler de ce commentaire d'une habitante qui disait que, du coup, par rapport aux temporalités des lotissements, quand ils emménagent et que le lotissement vient d'être construit, qu'il n'y a pas encore de végétation, les habitants discutent entre eux à travers, les voisins discutent entre eux à travers les haies. Et au fur et à mesure, 20 ans après, quand la haie a fini de pousser et que les enfants sont partis, ils se retrouvent isolés dans leur jardin, sans que ce soit volontaire, mais à ne plus communiquer avec les voisins. Et enfin, du coup, pour parler de commun et de modification, enfin, que ça a apporté quelque chose. Par exemple, maintenant, les enfants, quand ils vont, donc l'école est au centre-bourg, et ils ont des activités à la mer, étant donné qu'ils sont très proches. Mais maintenant, ils passent par cette balade, en fait. Donc, faut imaginer qu'il y a 30 gamins qui passent au milieu des lotissements, dire qu'avant, il ne s'y passait rien, et ils passaient le long des bagnoles, où justement, il fallait faire attention. Enfin, je pense qu'ils avaient des gilets jaunes. Parce que c'est les logiques contemporaines. Mais du coup, je pense qu'on a quand même apporté quelque chose et que ça a été repris et que ça a fait germer clairement quelque chose. Et, je ne sais pas si on l'a dit là, mais aussi, il y a certains chemins qui sont inscrits dans le PLU, donc le plan local d'urbanisme. Enfin, il y a quand même quelque chose qui a un peu germé dans la tête des élus et des décideurs et aussi des habitants qui deviennent des acteurs aussi de ce truc, quoi. Je voudrais compléter parce que vous êtes assez modeste sur votre travail, mais il y a des choses que vous avez oublié de dire, c'est que vous avez aussi expérimenté certains usages dans des espaces interstitiels, c'est-à-dire que vous avez identifié aussi dans plusieurs lotissements des espaces résiduels, en général un espace public en gazonné où il ne se passe plus rien du tout, puisque voilà, les enfants sont partis et puis que les habitants se voient chez eux. Et donc en fait, en parcourant ces lotissements, notamment pendant la balade insolite, où on a fait des arrêts dans ces espaces-là, en essayant aussi de projeter les participants de la visite sur de possibles usages de ces espaces. Donc il y a eu notamment... Et le maire d'Hermanville s'occupe d'une commission à Coin-la-Mer sur le zéro phyto. Donc lui, il était très sensible à l'entretien des espaces verts. Donc il y a eu une expérimentation de gestion différenciée dans un des espaces où justement l'idée c'était il n'y a plus de vie dans ces espaces, plus de vie humaine entre guillemets puisque personne ne les utilise. Donc au moins accueillons la vie animale et végétale en rendant ces espaces... à la nature et en délimitant des zones de friche. Donc il y a eu comme ça des expérimentations sur ce sujet-là. Il y a eu une autre expérimentation au moment de l'inauguration de la promenade Terre-Mer avec un premier test de la médiathèque hors les murs. La médiathèque d'Hermanville est un équipement très dynamique et comme les médiathèques aujourd'hui, un vrai espace public, mais cantonné à son espace bâti à côté de la mairie. Et là, le fait qu'il y ait cette résidence a aussi rendu possible une expérimentation dans le lotissement avec l'identification de plusieurs espaces d'arrêt de cette bibliothèque hors les murs. Donc c'était un dispositif de vélo cargo avec des caisses de vélo, un ordinateur, un système très simple que la médiathèque a mis en place très rapidement. Elle avait vraiment tout dispositif déjà opérationnel et déjà équipé en fait. Et du coup, ça, le fait de l'expérimenter, de l'installer pendant la promenade, de montrer que c'était possible, bah, c'était aussi une façon de faire germer dans l'esprit des habitants des projets communs. Et là, du coup, c'est plus c'est pas forcément des aménagements d'espace, mais c'est plutôt des appropriations et des usages qui sont à réinventer dans ces espaces pour que amener des services, des lieux de convivialité. Donc il y a eu aussi ce barbecue des voisins. Je ne me rappelle plus s'il y avait eu d'autres choses, mais il y a le bon pour le coup. Voilà, il y a eu le bon aussi. Voilà, je te laisse peut-être en parler. Il y a eu cette photo du bon. Il y a une photo du banc en fait qu'on a trouvé dans un lotissement qui du coup posé et harnaché un poteau. Et en fait, du coup, on a discuté avec le voisin, donc on allait le voir. Et en fait, il nous explique que, du coup, même s'ils ont des jardins, c'est toujours bien de se retrouver le vendredi soir sur cette impasse, en fait, où justement, bah, il n'y a pas l'insécurité que peut apporter la voiture qui roule trop. Et du coup, en fait, il y a vraiment cette volonté, même au-delà de nous, en fait, qui existe. Et en fait, c'est ça aussi que nous, on trouve important de montrer, c'est de sensibiliser aussi que, bah, il n'y a pas que nos travaux qui peuvent apporter quelque chose. Il y a déjà des choses qui se passent. Et après aussi, pour refaire un écho au travail d'Archives Violettes et d'Hortense, c'est aussi, du coup, bah, quand on parlait d'acceptation des choses et que des archis acceptent de montrer leurs projets après l'appropriation qu'on peut presque qualifier de dévastatrice selon les architectes, mais du coup, il y a des architectes qui ne voudraient jamais communiquer de cette manière, et moi je trouve ça... des frissons, quoi. Mais parce que je pense que c'est vraiment des choses importantes à montrer, qui sont des choses sensibles et qu'il faut qui apportent vraiment quelque chose globalement, en fait. Merci. Bah, peut-être passer la parole à la salle, parce que vous avez peut-être aussi vos propres expériences périurbaines, des étudiants qui sont là, qui ont pas mal travaillé sur ces espaces-là, des collègues qui ont peut-être aussi leur propre expérience périurbaine, cette question des sociabilités, de l'évolution effectivement des dispositifs d'ancrage, je pense que c'est bien que ça communique, ou au contraire un regard toujours. C'est moi qui fais le... Pour Archives Violettes. J'avais une question sur le profil des personnes qui venaient vers vous. Est-ce que ce sont des personnes qui ont déjà une connaissance du périurbain et qui ont une expérience personnelle qui fait qu'ils ont des attentes toutes particulières et qu'ils ont déjà appréhendé cet espace à travers une première expérience résidentielle et qui va orienter largement leur choix, ou c'est un saut de puce vers le périurbain, quelque chose de cette nature? C'est difficile pour moi de répondre parce que j'ai pas une vision globale. Donc depuis tout à l'heure, j'essaye de réfléchir par zone, de réfléchir géographiquement. Je dirais que chaque cas est assez particulier. Si l'expérience périurbaine préalable, les gens qui arrivent pour faire un projet en lotissement, ils y vont souvent quand même avec des pieds de plomb. C'est-à-dire qu'ils se disent... il n'y a pas d'autre solution, on va là parce que le règlement n'est pas trop contraignant, ou ils réfléchissent par rapport à leur déplacement, domicile-travail. C'est plutôt cette logique-là. Et après, même pour nous, pour construire, c'est difficile de s'implanter, de réfléchir aux vues, à part l'orientation. En général, je ne pense pas qu'ils aient d'histoire préalable en rapport et une réflexion vraiment aboutie. C'est vraiment, en général, les gens ont une vision très négative du lotissement et ils l'apprivoisent potentiellement bien. Après, c'est vrai qu'il y a tout notre travail sur des très anciens lotissements, où là, c'est différent, parce que les quartiers ont une identité. Je parlais du quartier des Fleurs en réfléchissant. Je pensais à Caen, un petit peu en marge du quartier des Fleurs, il y a une rue qui s'appelle la rue du Gros Orme, où il y a plein d'extensions hétéroclites, et on sent qu'il y a vraiment une dynamique particulière, et donc une lecture du quartier qui est un ancien lotissement, qui peut répondre un peu à cette question-là. Mais sur les lotissements récents, non. Oui, moi j'avais deux questions, une sur qui marche dans le périurbain, et puis l'autre sur la question de hétérogénéité, homogénéité. Alors, qui marche dans le périurbain, il se trouve que depuis que je suis à la retraite, j'y marche un petit peu plus, et je m'aperçois que, il y a beaucoup de retraités, des retraités aussi qui promènent leurs petits-enfants, ça c'est clair. Et puis, il y a une catégorie dont on ne parle pas beaucoup dans le périurbain, qui est les femmes qui ne travaillent pas et qui gardent les enfants des autres. Et alors là, c'est incroyable. C'est les plus grandes consommatrices des petits espaces collectifs publics. Et il y en a beaucoup plus qu'on ne le dit en général. Et puis alors sur la question de l'homogénéité, l'hétérogénéité, bon, c'est vrai que la presse nationale, qui est quand même faite de beaucoup de bobos parisiens, insiste sur l'homogénéité horrible de ce périurbain, etc. Alors moi, ce qui me frappe, c'est que quand même, dans les lotissements, alors c'est peut-être aussi une réflexion de Francilienne, hein, où il y a beaucoup de lotissements clés en main et qui sont très classés différemment au niveau du standing. Dans les lotissements de standing, il y a un acharnement à faire respecter l'homogénéité qui est à peu près équivalente à ce qu'on trouve dans le 16e arrondissement, Neuilly-Auteuil-Passy, parce que c'est distinctif. Alors que nous, quand on se balade à Neuilly-Auteuil-Passy, on trouve ça très varié, parce qu'architecturalement, il y a quand même des strates. Mais il y a vraiment une caractéristique, de la classe moyenne supérieure dans les lotissements franciliens, qui est « je défends l'homogénéité du domaine où j'ai acheté ». Et alors, autant quand on rentre dans l'intérieur, effectivement, on voit que c'est habité de manière très différente par des gens très différents, mais de l'extérieur, il ne faut surtout pas le montrer. Pour le qui marche dans le périurbain, on est tout à fait d'accord. C'est les personnes qu'on voyait toujours, c'était soit des retraités, soit des enfants, le mercredi après-midi ou... Après, oui, si quand même dans les temps, justement, mercredi, week-end, un peu plus d'autres personnes, enfin aussi des familles, et aussi, du coup, les assistantes maternelles qu'on voit vraiment, vraiment pas mal aussi. Et pour l'hétérogénéité et l'homogénéité, c'est assez dur. En vrai, je ne sais pas quoi répondre. Hein. Ouais, je jette. Est-ce qu'il y a d'autres... Ouais, moi, pour l'hétérogénéité, dans les règlements de lotissement, on perçoit beaucoup ça, surtout quand ce que j'appelle moi Camp Nord, en fait, Mathieu, et on a fait une maison dans un lotissement à Mathieu avec des gens qui étaient très militants, qui voulaient absolument mettre du bac acier, faire une maison bioclimatique, vraiment des. Et ils voulaient le montrer. Et ce qui est rigolo, c'est que quand on va voir la maison aujourd'hui, malgré les gros problèmes qu'on a eus en cours de construction, parce que mon couvreur est parti en cours de chantier parce qu'il posait du bac acier, parce qu'il s'est fait insulter par les gens autour. Mais en fait, avec le temps, en fait, on n'aperçoit plus cette différence. Parce que tout était très cadré, il fallait des zones de stationnement avec du béton désactivé pour deux places de voiture, les clôtures, la végétation, tout est très marqué. Et c'est incroyable, en fait, on ne la voit plus, la maison. Elle se noie complètement, même avec des matériaux et une forme. En fait, le règlement de lotissement et la logique globale fait que ça... C'est la taille aussi, je pense, l'échelle de la construction qui fait ça. Et donc, je le perçois bien, ça. Quand je me promène avec eux, à chaque fois, ils me mènent devant cette maison, qui est d'ailleurs une très belle maison, où quelqu'un a fait, qui avait un terrain un tout petit peu plus grand, qui était en angle, a fait faire une extension en angle. Et à chaque fois, ils me le présentent comme le déviant. Et en fait, on ne le voit pas de l'extérieur. Alors, Agathe, Florie, Kevin, François-Xavier. Oui, sur l'homogénéité des espaces périurbains, enfin, du coup, moi, je ne suis pas du tout d'accord. Je pense qu'ils sont extrêmement hétérogènes, enfin, de par mon expérience vécue, parce que j'ai vécu la moitié de ma vie dans ces espaces-là et de mes terrains. et notamment d'avoir fait le recensement de la population dans un périurbain rennais qui est aussi intéressant parce que là on voit vraiment, on rentre dans chaque maison et on voit la diversité. Et moi, il y a quelques années, quand je travaillais comme ingénieur d'études sur le périurbain, justement, quelqu'un du CRM me disait qu'il n'y avait pas de quartier dans le périurbain. Ce pourquoi je ne suis absolument pas d'accord, parce qu'en fait, chaque lotissement a déjà une petite unité au sein du village, qu'il a aussi sa dynamique. Enfin, moi, par exemple, je suis arrivé, j'étais un peu pionnière dans mon lotissement, donc j'ai un peu vu les gens arriver, etc. Aujourd'hui, les gens vieillissent, les enfants sont partis. Et quand je faisais le recensement dans un périurbain rennais, par exemple, ben, c'est pareil, je voyais que par quartier, les maisons des années 70, on avait plutôt tel type de population, des retraités, voire des veuves qui vivaient seules, etc. D'autres, plutôt des quarantenaires avec enfants, etc. Et on avait une diversité sociologique, une diversité de classe d'âge et de pratique d'un quartier à l'autre du village et qui était en fait très diverse. Y compris quand des fois le style se ressemblait, on avait style néo-breton, dans le périurbain. Bon, moi, où j'ai grandi, c'était plutôt des lots libres, donc c'était assez divers. Hein, voilà, quoi. Et du coup, ça impliquait des pratiques aussi diverses. Et pareil sur aussi les questions de. Souvent dans le périurbain, on a tendance à dire que c'est un repli sur soi, un lieu de du repli sur la cellule familiale. Et au contraire, je trouvais qu'il y a des fortes dynamiques entre voisinage, notamment quand il y a les enfants. On va chercher le sac de farine qui nous manque pour faire des crêpes chez le voisin durant la prochaine fois, chose que j'ai jamais retrouvée en ville, par exemple. Donc je trouve qu'il y a au contraire des socialisations qui sont des fois plus faciles à avoir que en milieu urbain. Oui, alors, je voulais juste revenir. J'ai une remarque et une question. Une petite remarque qui fait écho à cette question que je trouve très intéressante autour de qui marche finalement aussi dans ces espaces. On a beaucoup parlé effectivement des habitants en fait qui habitent ces pavillons, ces maisons. Et ça me faisait écho en fait aussi à une démarche alors que j'ai pu mener aussi au sein d'une association qu'on a montée là récemment qui s'appelle les Périphériques, qui est plutôt dans la veine et ça nous interroge aussi beaucoup en interne de ce qu'a pu se faire autour du GR13 à Marseille, toutes ces initiatives qui visent à aller aussi faire découvrir à la fois avec des habitants, je pense, de ville-centre, enfin c'est peut-être un peu raccourci, mais voilà, à la fois des habitants de ville-centre, mais aussi en essayant d'emmener des habitants qui peuvent vivre ou bien dans des banlieues pour ce qui est du GR13, ou bien dans des secteurs pavillonnaires, dans ce qui était notre cas. Donc de se dire que c'est aussi effectivement, il peut y avoir aussi d'autres pratiques qui peuvent se développer aussi au sein de ces territoires avec... des interrogations aussi qu'on se pose et un peu que je voulais vous partager autour de cette démarche et de se dire mais qui on emmène entre guillemets nous sur ces territoires, jusqu'où on est dans l'idée de révéler effectivement les qualités. Ça part vraiment de cette démarche là et en même temps de s'interroger sur le côté peut-être parfois voyeur, certains du coup disant mais jusqu'où on met la barre entre guillemets quand on va dans ces espaces qui ne sont pas des espaces étiquetés comme espaces touristiques classiques, patrimoniaux, avec pourtant tout un patrimoine du quotidien qui nous paraît très très intéressant. Ça c'était la petite remarque un peu longue. Et la question peut-être juste sur, vous avez évoqué un moment pour Archive Violette, c'est ça vous avez dit c'est un militantisme d'architecte que travailler la maison individuelle dans le périurbain. Alors question un peu générale, mais que recouvre selon vous ce militantisme ? En quoi c'est un militantisme en fait du coup de travailler la question de la maison individuelle en tant qu'architecte et plus spécialement du coup aussi dans le périurbain peut-être assez large mais voilà. Voilà, je pense que tout le monde tous les gens qui ont une formation d'architecte ici présents peuvent répondre. C'est vraiment la maison individuelle, c'est le parent pauvre de l'école d'architecture, de la formation. Donc c'est vulgaire de faire de la maison individuelle. On a entendu à une assemblée générale de l'ordre des architectes le président localement nous dire que on savait que c'était un peu la crise, mais de là à aller faire de la maison individuelle, quand même, faites attention, c'est vraiment embêtant en termes de risques. Surtout construisez pas pour des profs ou pour des médecins parce que vous allez avoir des recours, etc. Enfin voilà, alors il y a l'aspect recours juridique et tout, mais au-delà de ça, c'est vraiment c'est ça. Mais je pense qu'il y a un espèce de marché qui a été passé dans les années peut-être 50 entre les architectes et les constructeurs. et qu'on a, on a donné ce marché-là aux constructeurs. Et c'est vrai aussi que antérieurement, il y a des gens qui ont travaillé sur des modèles pour qu'on puisse loger plus de gens et que voilà. Mais c'est pas une raison pour arrêter de réfléchir. Et donc nous c'est vraiment un militantisme. Si vous regardez le pourcentage, que je connais pas, de maisons construites par des architectes, ça doit être vraiment très très bas. Ah non, c'est en dessous des 5%. Donc voilà. C'est aussi parce que le recours à l'architecte est imposé avec des surfaces. Et quand on est dans des pays européens, ou enfin voilà, je pense à la Belgique, ouais, qui pour tout mètre carré construit, on est obligé de passer par un architecte. Eh bien, tout à fait, ça change tout à fait la donne, en fait, et le positionnement et la commande aussi. Et la place qu'on donne à l'architecte dans la conception des espaces. Ouais, c'est aussi la place qu'il prend, parce que on va dire que 90% des projets qu'on fait, les gens n'ont pas besoin d'avoir recours à un architecte, réglementairement. C'est-à-dire qu'ils viennent pour d'autres raisons. Et si les archis acceptaient aussi de communiquer davantage sur ce qu'ils apportent au projet, ben, ils trouveraient aussi plus. Mais il faudrait déjà qu'ils aient qu'ils aient l'intérêt de travailler pour ce type de projet. En termes d'échelle et d'ego, c'est quand même pas hyper intéressant. Du coup, par rapport au périurbain, bah, c'est encore plus... C'est encore pire. Allez travailler dans la maison individuelle. Quand vous avez un copain dentiste, vous pouvez lui faire sa maison, mais pas dans un lotissement. Enfin, ou alors, il faut vraiment que ce soit un lotissement haut de gamme. Voilà, non, c'est une plaisanterie, mais c'est vrai que les contraintes sont lourdes aussi. C'est difficile, c'est un positionnement. C'est-à-dire qu'il faut... Nous, on a décidé de parce qu'on voulait travailler dans l'habitat individuel et qu'on pense qu'il faut changer les choses de l'intérieur, mais c'est difficile de communiquer déjà sur des réalisations qui sont faites dans un lotissement, par exemple. C'est compliqué et les contraintes sont quelquefois vraiment à s'arracher les cheveux. Enfin, rien que de construire avec du bardage bois, on a eu beaucoup d'histoires compliquées pour faire aboutir le projet. Voilà. Moi je souhaite revenir en fait sur la maison de Mathieu, parce que en fait c'est mon voisin, et alors je m'excuse par avance, c'est vrai qu'au départ c'est vu où elle est positionnée à Mathieu, une commune très bobo on va dire, c'était mal perçu, plus que bobo. Et c'est vrai que c'était pas du tout accepté à la base, et aujourd'hui, en fait, elle passe inaperçue et elle est plutôt agréable au visuel. Ça change des maisons cubiques en aglo avec un toit à quatre pans. Et ce qui est étrange, c'est que je suis arrivé dans ce lotissement avec une maison bois complètement différente des autres. Et je n'ai pas su accepter ce projet à base. Et cette vision, en fait, au fur et à mesure des années, de la voir régulièrement, m'a fait complètement changer d'idée sur cette architecture. Et je trouve qu'il en faudrait plus dans les lotissements, parce qu'on reste sur de l'aglo avec un enduit de 4 pans. Et c'est juste une horreur, quoi. C'est plus possible. Donc, voilà. En tout cas, merci pour le projet, parce que vraiment, je pense que ça, c'est des projets comme ceci qui peuvent, au fur et à mesure, je pense, faire évoluer les mentalités au sein des élus, par exemple, ou même des habitants. Ben, merci. Mais elle a une histoire vraiment intéressante. Justement, on peut rebondir sur la question précédente, parce que cette maison-là, ce lotissement était visé, chaque maison était... agréé par un architecte, par un confrère en fait, qui était payé pour ça, sachant qu'il était, les projets étaient aussi visés par un architecte des bâtiments de France, et le projet ne passait pas. J'ai eu la chance d'être appuyée par l'architecte des bâtiments de France pour faire passer le projet, et donc il a fallu que j'aille rencontrer mon confrère pour lui dire, bah voilà, l'architecte des bâtiments de France est d'accord, j'y suis allée avec mon client, et mon confrère m'a dit, mais pourquoi tu vas construire dans des lotissements ? Pourquoi tu t'embêtes à aller faire un projet comme ça ? Bon, ok, ça va passer, je vais donner ma signature et tout, mais ça donne quand même une idée du fonctionnement, quoi. Voilà. Ça a été un long projet. Donc, bah, si plus de questions, c'est le moment de vous remercier tous et puis de vous inviter à aller boire un petit verre dans notre cabane, juste là. Voilà. Et puis vous donner rendez-vous, donc déjà vous inviter à aller voir l'exposition La maison ne fait pas de pavillon à la bibliothèque Alexis de Tocqueville, à aller, alors Gang est là pour plusieurs jours, donc demain les travaux du Réal se poursuivent sur le terrain avec notamment une visite à Hermanville, mais aussi vernissage de l'exposition le soir Périple urbain à la médiathèque. Il y a des petits portfolios là qui sont visibles, mais vous verrez les photos sur place, et puis vous rencontrerez aussi les habitants qui ont participé à cette résidence. Samedi, stage, mini-stage, on va dire, ou en tout cas balade atelier avec Gang qui vous propose d'aller photographier et regarder autrement avec vos appareils photo Hermanville et ses espaces périurbains. Et dimanche, alors là, c'est parti, le dimanche ça va être encore mieux, là c'est balade à vélo. Et donc là, on va partir du campus 2 et circuler en vélo avec les dérailleurs dans le périurbain, voilà, pour éprouver. Et puis voilà, donc d'expérience avec Territoire Pionnier, ça fait 3 années qu'on fait ces visites-là. On a une cinquantaine de participants à chaque fois, et c'est aussi une façon pour nous d'éprouver les espaces, mais aussi de montrer qu'on peut relier la ville-centre et puis surtout faire des parcours avec intérêt dans ces espaces un peu plus éloignés du centre. Ça devrait bien résonner auprès des étudiants de Master 2, puisqu'ils travaillent sur cette question de l'aménagement des lisières. Tiens donc. Que faites-vous ce week-end? Prenez des apéritifs.